Bonjour, ici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins du Domaine du Roy. Le personnel et les dirigeants de la Caisse sont honorés de supporter nos athlètes locales Cassandra Bradette et Marianne Saint-Gelais aux Jeux olympiques d'hiver 2018 à Pyeongchang. Suivez leurs exploits ainsi que ceux de tous nos Canadiens du 9 au 25 février 2018. Cassandra et Marianne, deux grandes fiertés, des exemples de détermination pour notre collectivité et une preuve tangible qu'il est permis de rêver. Desjardins, partenaire incontournable de tous vos projets. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette de Saint-Félicien la meilleure des chances pour les Jeux de Pyeongchang. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien, situés au 905 Boulevard Amel, numéro de téléphone 418-679-4194. On va parler avec le maire de Roberval, Sabin Côté, de cette histoire-là de la Ligue nord-américaine de hockey, pour savoir un peu c'est quoi l'histoire. Richard Martel, il se peut de rencontrer la ville demain, pour savoir comment que ça a commencé. On va parler avec le maire de Roberval, Sabin Côté. Bonjour, M. Côté. Bonjour, M. Veilleux. M. Côté, si on parlait d'abord, comment ça a commencé cette histoire-là? Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des discussions avec la Ligue nord-américaine pour avoir une équipe à Roberval? Ben, de la façon que ça a commencé, c'est tout simple. C'est que M. Martel a pris contact avec nous au niveau de la ville pour savoir dans quelle mesure ça pourrait être intéressant de regarder cette alternative-là et de savoir si nous, de notre côté, on y voyait un marché potentiel. Donc, évidemment, tout ça rentre dans le cadre où on a une nouvelle aréna qui va bientôt être disponible là, au niveau de l'Oberval pour début mars. Donc, okay. Les discussions ont commencé dans ce sens-là. OK. Est-ce que vous êtes au courant que c'est à peu près 850 000 de budget par année? C'est de l'argent pour Roberval. Moi, j'ai parti à rire quand j'ai vu ça, puis je suis très Thomas face à ça. Tant mieux si ça arrive, mais je suis très Thomas face à ce projet-là. Ben, écoutez, comme je vous ai dit, nous, on n'a pas sollicité cette démarche-là. C'est M. Martel qui nous a sollicité de son côté. Je sais que cette ligue-là a vécu différents enjeux. M. Martel m'a précisé qu'ils sont à réviser leur façon de faire et leur façon d'approcher le développement du hockey senior. Comment ça va se tramer dans le futur, je peux pas vous dire. Sur le plan budgétaire, honnêtement, c'est les médias qui me l'ont appris, là, de votre part d'un côté et de la part du quotidien. Moi, j'ai encore vu aucun état de revenus et dépenses prévisionnelles par rapport aux opérations okay. d'une éventuelle équipe dans ce cadre-là. Au Saguenay, la ville met beaucoup d'argent avec Promotion Saguenay. Il y a également au-dessus de 300 000 de commanditaires à peu près. Est-ce que vous pensez que le marché de Roberval financièrement est capable d'aller chercher 300 000 en revenus publicitaires et en commandite pour l'équipe? C'est très difficile à dire. Il faut voir dans quelle mesure il pourrait y avoir des commanditaires majeurs qui pourraient présenter de l'intérêt. Maintenant, ce que j'en comprends jusqu'à présent, c'est que ça reste une ligue qui est incorporée, ça reste une ligue privée, c'est une ligue qui a des enjeux de développement d'affaires. Nous, ce qu'on offre, c'est un marché potentiel de gens qui sont intéressés par la dynamique du hockey. On sait que toute la dimension des communautés autochtones, c'est une plateforme de développement des jeunes qui est très favorable pour eux. M. Martel a ce questionnement-là aussi dans le collimateur, à savoir est-ce que ça devient pas intéressant pour un milieu comme le nôtre d'analyser ça. Maintenant, est-ce qu'on va trouver trois commanditaires de 100 000 dans notre coin? Après, ça reste une démarche commerciale. Mm-hmm. Maintenant, ce projet-là va être évalué au même titre que n'importe quel autre projet de développement communautaire et économique pour Ville-de-Robertval. OK. Dites-moi, est-ce que la Ville serait prête à mettre de l'argent année après année dans la Ligue nord-américaine de hockey? Bien, on met déjà de l'argent année après année, je vous dirais, dans l'aréna. Le club de fonctionnement un peu comme promotion Saguenay, là. Est-ce que vous seriez prêt à faire ça? Bien, en fait, faut voir la pertinence des retombées communautaires puis des retombées économiques puis l'évaluer à sa juste pertinence. Je vous donne un exemple comparable. Ouais. Présentement, on a demandé à la commission scolaire comment coûtait opérer la piscine et qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme besoin d'investissement en infrastructure additionnelle et dans quelle mesure il décidait de garder cette infrastructure-là ou non. Après, ben, quand on a les chiffres, on a les données, on regarde si la population est réceptive à obtenir ce service-là dans le milieu, puis juge que c'est pertinent de l'avoir, puis le conseil prend une décision. Tous les projets sont abordés de la même façon. On n'a ni l'intention de faire un gouffre financier, ni l'intention de prendre de l'argent public pour faire vivre un corporatif. C'est un projet qui peut devenir communautaire et potentiellement économiquement viable. C'est ça qu'on regarde, c'est ça qu'on analyse. On est vraiment au début des discussions. Puis, comme je vous dis, dans ce dossier-là, on a été sollicité. Donc, pourquoi fermer la porte à quelqu'un qui veut essayer de développer un créneau sportif intéressant? Monsieur Côté, est-ce que du côté ça a sorti depuis la semaine passée, ici même à Donne Radio Sport, on a commencé à en parler la semaine passée, le quotidien en a parlé mardi. Depuis ce temps-là, est-ce qu'il y a des hommes d'affaires qui vous ont contacté et qui ont levé la main et qui ont dit « Oui, moi ça m'intéresse d'investir de l'argent dans ce club-là. » Est-ce que c'est arrivé, ça? Non. Okay. En fait, au contraire, je vais vous dire que la dynamique de médiatisation de cette nouvelle-là me surprend un peu, là, mais ça nous permet de réaliser sur le plan politique comment le hockey intéresse les gens et les médias parce que n'importe quoi d'autre aurait pu se médiatiser d'autant. Là, je veux dire, on regarde la mise en place d'un plateau sportif avec la commission scolaire, puis on est avancé dans les discussions. Ça touche le soccer, l'athlétisme et le deck hockey, puis et je veux dire, l'information est publique, ça n'a pas intéressé les médias. Alors que j'ai parlé deux fois au téléphone à M. Martel et on a prévu un dîner pour demain et la dynamique est déjà en train de se médiatiser. Évidemment, il n'y a pas eu de promoteurs potentiels qui se sont présentés. On est au premier balbutiement du projet. OK. En terminant, le dossier de Centre sportif Benoît Lévesque roule, il va avoir du retard. Est-ce qu'on peut passer, qu'est-ce qui est arrivé pour le retard du Centre sportif Benoît Lévesque? Ah, je vous dirais, il y a eu plusieurs dates, là, présentement, on parle pas de nouveaux retards additionnels. La mise en fonction est pour le premier week-end de mars et le 7 de mars, on a une porte ouverte, invitation à la population à venir voir les nouveaux aménagements et les rénovations. Par la suite, il y aura évidemment une ouverture officielle avec toutes les dimensions politiques qui viennent en compte dans un projet subventionné de la sorte. Mais sinon, je vous dirais la seule période de retard qui a vraiment été mise en plan relève de la mise en place des estrades. Quand il y a eu lieu là, de mettre les emprises pour supporter la footing, si vous voulez, là, donc le béton qui supporte les estrades, on a réalisé qu'on pensait qu'on était dans des terres argileuses, puis finalement on était sur le roc. Donc ça a complexifié un peu au niveau de l'engineering la mise en place des estrades. Principalement, c'est ce qui a causé le retard. C'est une question d'ingénierie purement technique. OK. Est-ce que si jamais, dernière question, parce que je sais que vous êtes pressé, si jamais vous allez de l'avant de la Ligue nord-américaine, on dit que c'est 800 spectateurs, le Centre sportif Benoît Lévesque, y a-t-il possibilité d'en rajouter un 200-300? Parce que ça prend un minimum de 1200, là. Est-ce que ça, c'est dans le Centre sportif? Ben, moi, dans les deux discussions que j'ai eues avec M. Martel, M. Martin m'a parlé d'un break-even à 900 spectateurs par match. Okay. Ça semblerait pas être une ligue où il y a beaucoup de matchs. Puis présentement, on est au niveau du pays, dans la refonte de sa de son modèle d'affaires au niveau des concessions, il semble y avoir un objectif de baisser le deal breaker, là, donc le point mort de rentabilité. Pour ce qui est de Robert Val, ça ne changera pas. C'est 800 places à signe, puis c'est 1200 places à pleine capacité. Okay. Donc, est-ce que c'est faisable? Dans un premier temps, on regarde la faisabilité. Un projet, c'est toujours la même affaire. Hein? Mm. Un, on a l'idée. Deux, on regarde la faisabilité technique. Trois, on regarde la faisabilité financière. Et quatre, on prévoit le déploiement. Donc okay. Là, on est, je vous dirais, à l'étape d'idée, hein, parce qu'on n'a même pas toute l'information pour ouais. évaluer la faisabilité technique du projet. OK. Ben, on va surveiller ça de très, très près. C'est demain. J'aimerais ça qu'on s'en reparle la semaine prochaine, M. Côté, lundi, pour avoir des nouvelles de votre rencontre. Ça va me faire plaisir, M. Veilleux. Voilà, donc le maire de Robertval, Sabin Côté. Merci, M. Côté. J'ai 10 minutes pile.